dernier des pas civilisés, il s'appelait Zombie. Vivait en Australie, au milieu des palmiers, sans électricité. Quand l'UNESCO a dit, cet homme est un scandale, il vit dans un taudis et complètement à poil. Zombie, viens par ici. Oh là là là là là, qu'il a dit le sauvage. Faut pas toucher à moi, moi très heureux comme ça. Pas changer à mon âge, moi plus besoin de rien. Merci oh merci bien. Ils ont saisi Zombie, l'ont baptisé Dupont, Paul, Henri, Louis, Léon. L'ont immatriculé, tamponné, vacciné, sous les acclamations. Quand l'UNESCO a dit cet homme est un scandale, il faut qu'il soit instruit à l'école communale. Zombie, viens par ici. Oh là là là là là, qu'il a dit le sauvage. Faut pas toucher à moi, moi très heureux comme ça. Pas changer à mon âge, moi plus besoin de rien. Merci oh merci bien. Zombie a tout appris, zombie a tout gobé, y compris les souliers. La radio, la télé, le journal du matin, le 421.